corazón, mi corazón. Pero dije bien clarito. De la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Guémozo. Et bien, on se retrouve pour un nouveau numéro de Boomerang. 90 minutes pour Boomerang, et oui, c'est le titre complet, un peu long à prononcer. Alors on dit Boomerang, on est familier, on connaît l'émission depuis quelques années. Avec autour de cette table aujourd'hui les habitués chroniqueurs, Félicie, au rendez-vous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite une bonne journée et une bonne heure et demie avec nous d'émission, voilà. Eh ben en tout cas, ça me fait plaisir que tu nous accompagnes. Bonjour Jean-Baptiste. Merci une fois de plus dans ce nouveau numéro. Et puis Dominique. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va y arriver. Faut que je boive un peu d'eau parce que j'ai la la gorge en feu. Oui. Voilà. Pour faire de la radio, ça sera plus pratique. Pour pouvoir t'exprimer. Et puis côté homme, c'est Gundino, rendez-vous aussi. Bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Et Pascal à la technique. Oui, chers auditeurs, bonjour. Et bien sûr à l'animation, Jean-Baptiste. Et puis toi aussi, bien sûr, tu m'accompagnes à l'animation. Voilà, allez, on lance le bateau, on lance le navire. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ça ne sera pas Félicie qui va ouvrir le bal, mais l'ami Dominique qui va ouvrir le bal avec de la littérature. Le tour du monde du roi Zibeline de Jean-Christophe Ruffin. À ne pas confondre avec François Ruffin, qui est très médiatique. Oui, qui est la France insoumise. Voilà. Alors on t'écoute sur ce bouquin qui a été peut-être un coup de cœur, tu vas tout nous dire. Ah, pour être honnête, je ne l'ai pas achevé, mais ça m'a plu parce que c'est une histoire de voyage. C'est un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, qui va faire un tour du monde. Il va commencer déjà sa vie avec un précepteur français, qui va lui apprendre la grande littérature du XVIIIe siècle, Voltaire, toutes ces références des Lumières. Et puis un jour, il décide de construire sa vie, donc il s'engage dans l'armée. Et il se retrouve prisonnier, il est envoyé en Sibérie. Et de là, il monte un peu une itinérie. Sympa comme quoi. Sympa comme quoi. C'est pas très chaud. Et donc, avec ses complices de camp d'internement, il va partir sur un bateau et ils vont découvrir le monde. Ouais. Et ils vont aller jusqu'en Chine, jusqu'à Formose, jusqu'au Japon. Alors peut-être nous planter le personnage du roi Zibeline, nous en dire quelques mots sur sa personnalité, le situer. Ça s'appelle Zibeline parce que la Zibeline, c'est une petite bête fourrure. À fourrure qui récupère les peaux et les vendes. Et donc, voilà. Pourquoi le roi ? Il va devenir... Attendez, je passe du coq à l'âne, mais il va de tour à tour officier, prisonnier, navigateur et chef d'exposition. Il deviendra roi de Madagascar et combattra pour donner à cette île sa liberté et son indépendance. D'accord. Même auprès de ses collègues sur le bateau, il est très respectueux, il est humaniste, parce qu'il se souvient toujours que son précepteur, Bachelet, lui avait enseigné avec la littérature des Lumières. D'accord. Félicie, tu avais déjà une première réaction. Oui, c'est juste une question, c'est une fiction ou c'est un roi qui existait ? Non, c'est une authentique histoire. D'accord, c'est un roi qui existait donc. Oui. Ouais. Et il était roi de... De Madagascar, mais je suis pas là. Il faudrait que je vous fournisse la fin pour une prochaine fois. Alors tu disais que tu n'avais pas fini le livre dans son entièreté, tu avais parcouru en fait. Non, j'avais quand même lu la moitié, quoi, à peu près. Oui, donc tu ne l'as pas lu entièrement. Non. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a inspiré à commencer à dévorer ce livre-là? Ben c'est voyages, l'évasion, le côté voyage. L'évasion, les voyages. Enfin, la vie sur le bateau est pas très simple parce qu'il y a des. Ben surtout à l'époque là. les corsaires, tout ça. Les rats. Ouais, puis le scorbut, je suppose. Oui. Enfin, toutes les maladies. Et sa femme avec qui qui était la fille du chef du camp en Sibérie, elle le suit, mais elle est obligée de se déguiser en homme pour avoir la vie tranquille, quoi. D'accord. Sur le bateau. Ouais. Oui, pour pouvoir être admis par l'équipage, quoi, en fait, hein, qui était composé d'hommes, évidemment. Oui. Alors, ils vont parcourir, ils vont commencer par où ? Quel est leur itinéraire ? Alors, la première... Donc, on parlait de la Sibérie, hein ? Oui, il est parti de la Sibérie. Alors, ce bateau, comment ils l'ont... Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ils ont organisé leur tour du monde. Ce bateau-là, comment ils l'ont... Ils ont fomenté un projet d'évasion avec les détenus. Et ils se sont évadés, oui. Donc c'est un trois-mâts c'est pas précisé. Ouais, non. Un gros voilier, ouais, quoi. Plus la mémoire. Et ils sont à combien dessus 80. Ah oui, donc c'est même plus gros, c'est plus gros qu'un voilier, quoi, à ce niveau-là. Donc ils partent de Sibérie pour se diriger vers où alors Ils découvrent des îles aussi. Ils vont à Formose, qui est une colonie chinoise. Et après, ils vont au Japon, en Chine. Là, j'en suis, ils sont en Chine. Mais alors ça, sur combien de temps ? Parce que t'imagines, là, c'est un tour du monde sur flot, donc ça met du temps quand même. Avec des escales, avec des aventures sur chaque... Ils essayent de coloniser des fois, parce que ils sont sur l'équipage, ils manquent de femmes. Donc il y a certains marins qui veulent rester dans les endroits qu'ils découvrent pour... Parce qu'ils ont rencontré des femmes. Des belles indigènes. Ouais. C'est un petit peu la plaie du marin, ça. C'est qu'il a une femme dans chaque port, mais à chaque fois, il les laisse pour repartir sur les flots et en retrouver une autre sur un autre port. C'est romantique. Les amours de marin. Ouais. Les amours de marin, ouais. Pascal ? Un peu comme l'histoire du Bounty, en fait. Oui, l'itinerary du Bounty. On peut faire un parallèle, c'est vrai. J'ai envie de le dire. En fait, ils étaient arrivés, ils sont restés 6 mois pour rechercher des arbres à pain, mais ils sont tombés amoureux de femmes qui étaient sur l'île. Oui. Et quand ils sont repartis 6 mois après, ils ont mis le capitaine dans une barque, ils ont dit casse-toi et puis ils ont pris les commandes du bateau pour revenir à Tahiti. Ouais. Mais c'est Tahiti, oui. Oui. Ou c'est Nouvelle-Calédonie, je ne sais plus. C'est Tahiti. Ouais. Et quand ils sont arrivés à Tahiti, le roi leur a dit mais il est où le grand chef ? Et il est le grand chef, il n'est plus là, donc il les a éjectés. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que sa fille allait partir avec eux dans le bateau. Ils ont été rechercher une île très loin, en fait. Ils ont atterri sur une île où ils se sont rendus compte qu'elle était mal placée sur la carte. Et ils se sont dit, là, ils ne nous trouveront pas. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, sur l'île, en fait, il y a toujours les descendants de Monsieur Fletcher. Il y a un film qui a été fait là-dessus. Oui. Même deux. Hein, ouais. Ouais. C'était ma question, c'est un film une histoire vraie, il y a eu un film et un livre. Deux films. Oui, il y a deux films. Ouais. Et c'est en quelle année le Bounty, Pascal ? Alors là, 18e siècle aussi, oui, je crois. Oui, l'époque des corsaires. Ouais. Hein. Corsaires et flibustiers. Tu as l'impression que ton livre il s'est inspiré des faits du Bounty ou pas du tout ? Ben, c'est une histoire authentique, donc il la relate de façon romancée et de façon. Pas tous en même temps. Dominique. Oui, je dis, il s'est inspiré de la réalité, peut-être de faits historiques, et puis le rôle du romancier, c'est de broder, enfin d'enrober. Ouais, peut-être par rapport aux récits et aux écrits et au reste d'histoire d'autres navigateurs antérieurs. Il y a eu Christophe Colomb aussi, beaucoup plus tôt aussi. Hein, il y a les grands explorateurs de toute façon. Il y a James Cook qui parle de James Cook qui a découvert les îles du Pacifique. Mais c'est vrai que des grands explorateurs, des grands navigateurs dans l'histoire de la marine, c'est beaucoup plus lointain dans le temps, c'est vrai qu'il y a toujours eu une idée derrière de découvrir des nouvelles contrées, découvrir des nouveaux pays et de les coloniser. Enfin, l'homme, il a le gène de l'explorateur. Et puis aussi de découvrir peut-être des cultures. Ou de créer de nouvelles civilisations, et puis aussi de la culture au sens végétal aussi, comme tout ce qui est épices, entre autres, légumes. C'est comme ça qu'on a pu faire venir des choses en Europe. Comme la pomme de terre, déjà. Comme la pomme de terre de M. Parmentier, par exemple. Merci. Et ne me dites pas la poubelle de Gênes Poubelle, hein, parce que ça n'a rien à voir. James Cook, c'est Gondino. Il a découvert beaucoup d'îles, lui. Oui, toutes les îles du Pacifique. Les îles Sandwich. La partie pacifique, morts, ouais. C'est en Pacifique. Là où il est mort. Et c'est je vrai. Crois Tahiti et l'île de Pâques. Oui, il y a aussi la Nouvelle-Calédonie, il est passé par là. Parce que tout ce petit bout de terre, c'est lui. Hein. Ouais. Bien devant le micro. Oui. La fameuse île de Pâques avec ses statues dont l'énigme a été résolue en partie. Alors, c'est résolu. Les têtes d'Olmen. Oui, c'est résolu. Bah, ils ont fait des. Parce que bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été brodées autour de ça, que c'était une civilisation extraterrestre qui aurait installé ces statues-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Et surtout la structure interne, c'est-à-dire la partie qu'on ne voit pas, qui est dans le sol, qui est très profonde. C'est surtout les frigides et en fait des statues, parce qu'on les représente avec un casque et presque un micro devant la bouche. Oui, quelque chose d'esthétique très moderne par rapport à l'époque, c'est curieux. Quoi. Il y avait une énigme, c'est d'où venaient les habitants de l'île de Pâques et comment ils sont venus, vu la datation de ces indigènes, comment ils ont fait pour venir. Alors, moi, je voyais des reportages télévisés. Hein, ben oui. Avec ça. Et ils viendraient d'Amérique latine et sur des bateaux un peu comme les Péruviens, ils ont, en bambou, je crois que c'est du bambou, en bambou, tressé, pas tressé, mais... C'est des sortes de pirogues. Ouais, mais ça ne s'appelle pas comme exact, ça. Ouais. C'est des sortes de pirogues. Ouais. Oui, en bambou tressé. Pas tressé, aggloméré. Oui, mais enfin, c'est tellement serré que ça flotte, en fait. Ça fait un effet de bouchon qui flotte. Ça a l'air léger, le bambou. Oui, mais bon, c'est des techniques vraiment au point où l'eau ne pénètre pas. Il y a une étanchéité qui est redoutable. Et puis, le bambou gonfle au contact de l'eau. Ils en font encore maintenant des bateaux de... Le bambou a tendance à gonfler et à se serrer encore plus l'un contre l'autre. Donc, du coup, ça crée une étanchéité redoutable. Quoi. Puis, il y a une solidité aussi, parce que c'est difficile à sectionner comme matière. En Bolivie, dans les Andes, là-haut, sur le lac Titicaca, je crois, comme ça, il y a encore des indigènes qui utilisent des bateaux faits de cette façon ancestrale pour rejoindre leurs îles flottantes. Il n'y a qu'à regarder Rendez-vous en Terre Inconnue, hein, quand ils partent sur des civilisations très anciennes où ils sont accueillis par des gens qu'on appelle entre guillemets les indigènes, mais bon, c'est un peu péjoratif, mais enfin c'est un nom qui existe. En tout cas, de peuples qui veulent encore vivre à l'ancienne, alors que leurs enfants sont plus entre deux civilisations, parce qu'il y a le monde moderne quand même qui s'installe un peu partout, eh bien il y a effectivement, comme tu décris, Segundino, C'est ce genre d'embarcation aussi, quand il y a des fleuves ou des lacs aussi. Dominique m'avait emmené voir une exposition que peut-être des auditeurs ont vue, j'espère. C'était l'exposition, tu te souviens, Autoli, tu m'avais emmené. Non, c'était Auduto. Auduto, pardon. C'était sur l'un. Ah oui, avec les images, le Tibet, les photos. Sur le Tibet, le Népal. Voilà, donc là on parle d'aborigènes d'Amérique du Sud, mais là, au Tibet, on sentait aussi que les photos des enfants qui étaient prises, on sentait qu'il y avait vraiment... Une fracture avec leurs ancêtres leur ou même leurs parents. Pas énorme, heureusement. Ne serait-ce que la scolarisation. Oui, c'est ça, ce qu'ils souhaitent, les parents souhaiteraient qu'ils restent, qu'ils fassent leurs études. C'est bon, Dino. Dans tous ces pays-là que vous dites, du Tibet jusqu'en Amérique latine, les gosses qui ont 6, 7, 8, 9, 10 ans, pour aller à l'école, ils parcourent des parcours interminables. À travers la montagne, et des chemins c'est vrai. Vraiment... ils prennent des risques de tomber dans des ravins, tout ça pour être à l'école. Alors ils passent des fois... Ils dorment là-bas, ils reviennent le week-end. Oui, mais ils sont adaptés à leur environnement, ils connaissent les reliefs, ils marchent pieds nus pour la plupart, ils savent très bien les terrains, ils savent très bien comment se débrouiller. Je m'en doute. Pour toi, occidental, ça peut paraître casse-cou, accidenté, mais pas pour eux. C'est impossible. Moi, je vois pas une personne d'ici essayer de parcourir à 6 ans ce que lui parcourt. Non, mais c'est normal, on ne peut pas faire une comparaison, puisqu'on n'est pas éduqué dans le même environnement, on ne grandit pas dans un même environnement, en tout cas, nous, tout est un petit peu aseptisé, on va dire. Oui. Que ce soit urbanistiquement parlant, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau des mœurs, que ce soit au niveau des habitudes de tout ordre, les besoins physiologiques premiers et puis les besoins secondaires, selon la pyramide de Maslow. Mais c'est vrai que effectivement, quand on voit des fois des reportages comme ça, comme cette émission Rendez-vous en Terre Inconnue, on se dit l'invité qui parcourt avec l'animateur cette aventure pendant X temps, eh bien, il faut avoir quand même des facultés d'adaptation rapide pour se confronter à une autre civilisation, d'autres codes d'accueil, d'autres codes de rapport humain. Donc il y a une perte de repères complète, même si ça a été préparé en amont, l'émission, et que ces peuples ont été visités avant et prévenus, et que l'investigation des caméras et tout ça a été préparée des mois à l'avance. C'est quand même des émissions qui ne sont pas faites comme ça en claquant des doigts. Mais il y a quand même toujours cette découverte de l'autre, d'une toute autre culture, même physiquement, hein, une autre ethnie, avec ses us et coutumes. Et parfois, je me souviens, Zazie était tombée malade. Bon, il y a quelques années que l'émission avait eu lieu, elle était tombée malade à un moment donné parce que l'alimentation et le climat c'était un petit peu retourné contre elle, quoi. Mais elle avait réussi à rebondir, elle avait été soignée par les femmes, parce qu'elle avait fait une forte fièvre, je crois. Et ce qui était beau à la fin, c'est qu'elle avait offert une petite guitare, je crois, à des enfants. Et la musique, elle avait réussi à communiquer sur la durée du séjour par la musique, par sa musique. Parce qu'il lui demandait, et toi, qu'est-ce que tu fais dans ton pays ? Alors, elle n'a pas dit qu'elle était célèbre, qu'elle était chanteuse et qu'elle gagnait beaucoup d'argent et qu'elle vendait des disques. Elle a expliqué que son travail, sa raison d'exister, c'était la musique, hein, et créer de la musique, créer des sons, des paroles et générer de l'émotion pour un public qui la reconnaissait en tant que telle. Et après, elle avait joué des morceaux et là, il y avait une communion qui se faisait. Donc, on peut toujours, par des moyens, communiquer dans les contrées les plus reculées, même si on est un occidental... En respectant leurs traditions. Bon, c'est encadré, hein, on ne ferait peut-être pas ça d'une manière sauvage. On ne peut pas dire que, que l'Amérique latine soit le continent qui se porte le mieux, mais ils ont, largement de quoi arriver à un bon niveau économique et améliorer toutes ces choses. Ouais. Mais ils sont quand même... les chefs de gouvernement sont quand même bien corrompus, mis à part quelques pays qui ont de bons représentants. C'est un peu comme le Tibet qui est sous le joug des communistes chinois et russes. Oui, d'ailleurs, les Chinois, ils ont annexé le Tibet parce que, en fait, l'eau qui va en Chine, elle vient du Tibet, elle vient des montagnes du Tibet. Et c'est à cause de cette eau que les Chinois, ils veulent pas donner l'indépendance au Tibet, redonner leur indépendance, qu'ils ont une main dessus. Ce que j'ai envie de mettre en avant par rapport à ce que vous dites, évidemment on peut politiser les choses, c'est toujours récupéré politiquement malheureusement dans ce monde, mais on évoquait tout à l'heure hors antenne France Gall, les carrières des chanteuses yéyé, et France Gall dans une partie de sa vie s'est tournée vers l'humanitaire, vers l'Afrique, d'ailleurs elle y a habité. Moi, j'aimais bien sa philosophie, son approche de l'humanitaire à cet artiste, dans le sens où, elle, son point de vue, c'était de ne pas occidentaliser ces peuples, mais de les rendre plus autonomes, en leur donnant les outils, les outils au sens propre comme au sens figuré, en leur donnant la possibilité, avec leur richesse sur place, que ce soit au niveau des terrains, des cultures et de leurs coutumes, de développer par eux-mêmes leur propre évolution, leur propre développement économique. Et ça, je trouve ça plus judicieux que d'amener du confort matériel. Évidemment, il faut un minimum au niveau de matériel médical et tout ça. Mais... déjà pouvoir effectivement les autonomiser le plus possible pour qu'ils puissent avoir une dignité et puis vraiment vivre mieux et se développer mieux avec leurs capacités, quoi. Alors elle s'occupait des pêcheurs en bord de mer, et après il y avait les cultures avec l'arrivée de l'eau et tout ça, mais pas forcément leur apporter des baraques avec des toilettes à chasse d'eau et tout ça, ou des gazinières avec des bouteilles de gaz pour qu'ils puissent cuisiner, parce que ça, ça fait un choc culturel qui n'apporte rien sur le fond. Ça apporte sur le moment, comme ça, sur la forme, mais pas sur le fond. Pas sur la durabilité. Ouais, en tout cas. Et moi, j'aimais bien, à elle, il y a eu Borloo aussi, Jean-Louis Borloo, bon, qui est un homme politique par ailleurs, qui a fait beaucoup par rapport au courant, à l'électricité. Mm-hmm. Aussi, j'aime bien leur approche humanitaire. Je trouve ça plus judicieux que de vouloir imposer ce côté occidental et en les soumettant, en fait. Ils ne veulent pas ça, d'ailleurs. France Gall, elle avait compris qu'en chantant « Ella, Ella », je pense qu'elle avait compris le sens des inégalités et justement comment les réduire, quoi. Mais c'est parce qu'elle a vécu auprès d'eux. Elle a vécu auprès d'eux et elle s'est désoccidentalisée au fur et à mesure. Elle avait ces deux possibilités, ces deux dimensions, puisqu'elle était aussi chanteuse en France. Elle avait une vie tout à fait occidentale. Mais du fait qu'elle habitait sur place une partie de l'année, et même à un moment donné, pratiquement toute l'année, elle avait vraiment... elle s'était fondue. Moi, avec Berger, avec d'autres, il n'y a pas eu qu'elle. Et du coup, elle a créé un microcosme comme ça. Elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça continue encore aujourd'hui avec le fameux Babacar, cet enfant... qu'elle n'a d'ailleurs jamais voulu élever. Oui, oui. Parce que, justement, elle allait jusqu'au bout de sa philosophie par rapport à ça. Elle ne voulait pas l'occidentaliser. Elle voulait qu'il se développe, qu'il grandisse, cet enfant, par lui-même, par rapport à l'histoire de sa mère et tout ça. Quoi. Oui, c'est Gondino. C'est pas pour parler politique, mais Beauvais, dans ses arguments politiques... José Beauvais, hein, tu l'évoques. José Beauvais, oui. D'accord. Dans ses arguments politiques pour être aux élections... avait proposé comme programme pour la politique étrangère une aide aux pays sous-développés et nettement d'Afrique, par exemple, qui les aide à devenir, eux, autonomes. C'est-à-dire, on donnerait le matériel, on leur apprendrait à l'utiliser, et eux, ils encaisseraient leur propre copain. C'est ça, c'est ce que j'expliquais, voilà. Moi, je vais juste te dire que c'était pas une idée unique de... Non, non, pas du tout. France Gall n'en détient pas le... C'est l'idée commune à beaucoup de gens. Mais elle a quand même vraiment mis des choses en place vraiment assez spectaculaires, quand même. Mais sur la durée, sur plusieurs années. Les artistes soutiennent beaucoup d'associations, beaucoup d'ONG... ils soutiennent, comme ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont en soutien de beaucoup d'associations, hein, aussi bien les artistes étrangers que les artistes étrangers, surtout américains, beaucoup. Oui, mais moi je fais une différence. Par exemple, je prenais l'exemple de France Gall, je vois par exemple la famille Grimaldi, donc les enfants de la principauté de Monaco, les enfants de Rainier et de Grace Kelly, de la princesse Grace, sont tous un petit peu... alors ils vivent dans un monde de fortune, dans un monde de paillettes, dans un monde de fric, mais en même temps, ils sont, que ce soit Caroline, Albert ou Stéphanie, plus Stéphanie, impliquées dans des causes humanitaires. Mais ils restent quand même dans leur monde à eux. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur image et leur notoriété pour porter des causes et les faire avancer. C'est encore une autre démarche que France Gall. France Gall, elle n'utilisait pas que son image. Elle est allée vivre sur place, c'est vraiment coulé dans les us et coutumes et est devenue africaine d'une certaine manière. Et elle a mis d'ailleurs à un moment donné un peu sa carrière entre parenthèses pour faire ça. Mais elle refaisait des albums avec Berger où elle racontait tout ça, bien sûr. Il y avait aussi une récupération médiatique là-dedans, mais je pense que son enjeu était vraiment... Il y a vraiment eu par rapport à cet enfant cette rencontre justement avec cette contrée d'Afrique et cette prise de conscience. Elle s'est vraiment plus fondue. Stéphanie n'est pas partie vivre, par exemple. Stéphanie de Monaco n'est pas partie vivre. Elle garde plus son image qu'elle met au service d'eux, mais comme Diana dans d'autres époques et d'autres. C'est les galas de charité. Oui, voilà, mais bon, moi ça me touche moins ça. Ouais. C'est bien parce que ça ramène de l'argent. Il en faut, comme disait Gondino, il faut aussi de l'argent. Évidemment, fait rien gratuitement dans l'humanitaire, c'est pour tout pareil. Mais c'est vrai que moi ça me parle moins, quoi, on va dire. Pascal ? Oui, je crois que plutôt que d'aider les gens à en leur donnant de l'argent, il faut les aider à travailler mieux. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui parlait justement de ça, de l'Afrique. C'est un petit garçon qui a eu la chance d'aller à l'école, un petit enfant noir qui a eu la chance d'aller à l'école parce que ses parents voulaient qu'il aille à l'école. Et grâce à ça, il a pu fabriquer lui-même une éolienne et fabriquer une pompe à eau alors que c'était en pleine famine. Et grâce à ça, il a réussi à sauver, à montrer à ses parents et à tout le village qu'il pouvait faire plusieurs récoltes dans l'année. grâce à cette FONFAO, parce qu'il était allé à l'école. Donc, plutôt que de leur donner l'argent, il faut leur donner les moyens de oui, s'améliorer. Oui, mais bon, moi, je pense qu'autour de cette table, on sera d'accord pour dire qu'il faut de tout. Il faut de l'implication réelle sur place, avec des idées, effectivement, des concepts. Il faut surtout s'imprégner des populations pour voir quels sont leurs manques, leurs envies, leurs besoins, qu'est-ce qui... Voilà. Pas penser à leur place, faire une coopération avec eux. Et effectivement, il faut de l'argent aussi. Mais ça, à la limite, pour faire venir de l'eau, il faut quand même construire des structures, des aqueducs et tout ça. Donc, Leur gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de guerres, beaucoup de rébellions contre le pouvoir est corrompu. Parce que la pauvreté est un outil qui génère... Les rebelles ne sont pas mieux que les corrompus. Ah ben complètement. Ils valent pas mieux. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ça m'a rappelé un film que j'ai vu, c'est Bonne fête, maman. Oui. Qui traitait de l'humanitaire. Les bourgeois d'époque, une bourgeoise qui veut se lancer dans l'humanitaire. Enfin bref, je vais pas parler deux fois de ce film. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Si... Non, on va tout d'abord, moi je pense qu'on n'en a pas fait le tour de ce sujet, mais moi j'aimerais revenir après la pause musicale, puisque ça va être l'objet de ma question que je vous poserai après. On reviendra sur tous ces sujets-là, mais je voudrais un petit peu revenir aussi sur le côté des flots, et de la navigation, et de la marine, et de l'histoire de la marine. Et on va s'écouter une première pause musicale que Dominique a choisie avec grand bonheur en ce qui me concerne. C'est une chanson qui a une quarantaine d'années, qui a fait connaître Alain Chamfort, Manureva, un célèbre bateau. Oh, Manu Reva d'Alain Chamfort sur les ondes de Radio Guémozo dans Boomerang, chanson, on va dire, culte de la carrière d'Alain Chamfort, qui l'a vraiment fait médiatiser il y a une petite quarantaine d'années. Alors, chanson qui a une connotation pour moi assez forte, puisque Manu Reva, c'était dans cette chanson l'évocation d'un des bateaux d'Alain Colas, un grand navigateur qui a disparu en mer, et que j'ai eu la chance, enfant, par mon père, qui était passionné de nautique, de connaître et de naviguer avec lui et mon père, voilà, avant qu'il disparaisse en mer. Après, il y a eu Tabarly aussi qui a terminé plus tard, hein, malheureusement aussi bêtement. Vous avez vu des de la même manière, et que j'ai pu rencontrer aussi. Mais c'est vrai que cette chanson-là me rappelle toujours, quand je l'écoute, cette période d'enfance. Vous avez vu des requins ? Non, c'est en Méditerranée, du côté du Roussillon, voilà, il y là-bas, en a quand même du côté en de Perpignan, Argelès. Voilà, on est dans Boomerang avec Félicie, Dominique Segondino, Jean-Baptiste Pascal à la technique. On parlait en première partie d'émission avec l'ami Dominique dans sa chronique littéraire d'un livre qu'elle a commencé à dévorer partiellement, hein, c'est toi, oui, pour reprendre tes propres termes, Le Tour du Monde du Roi Zibeline, qui nous a entraîné à parler de navigation, de conquête de nouvelles contrées, de nouveaux pays, de découvrir des nouvelles civilisations ou d'en créer à travers cette histoire. Et on a parlé ensuite d'humanité. En tout cas, vous pourrez réécouter l'émission en détail lors de sa rediffusion. Voilà. Alors moi, j'avais une question, puisqu'on vient d'écouter Manu Reva. Avez-vous tous autour de cette table une âme d'explorateur, de navigateur, d'évasion ? Avez-vous eu un jour envie de prendre l'air marin et de partir à l'horizon des flots, et peut-être de vous investir dans un équipage ou dans une croisière, mais pas une croisière touristique au sens gros bateau ? Croisière de voilier, ou faire partie de ce monde-là, ou de le découvrir. Je suis monté en bateau pour la première fois à La Rochelle, une petite balade du port, où le port le plus connu de La Rochelle, jusqu'au grand port qu'ils ont fait, qui était en travaux encore quand on y a été, qui est actuellement l'un des ports de plaisance les plus grands d'Europe. Et j'ai fait deux tours de bateau. Mais t'étais en équipage ou t'étais tout seul? Oui, c'est un petit voilier, il mettait le moteur parce que pour sortir du port et pour aller jusque, c'était pas loin. Et après vous tressiez les voiles? Non, l'autre à moteur, c'était pas un voilier, l'autre. D'accord. Je crois que c'était un voilier. C'est un vieux bateau, mais Et t'avais quel âge à ce moment-là ? Non, il y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps. En 2013, je crois. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, cette expérience sur la mer, comme ça, sur les flots ? Bah alors, tu t'es senti une âme de navigateur ? Tu t'es senti une âme de marin ? Attends, j'ai discuté avec le premier qui je suis monté. C'était gratuit, en plus. Mm-hmm. Ils offraient gracieusement à ceux qui voulaient monter. Et j'ai demandé au capitaine de bord. Je lui ai dit comme ça, mais écoutez, vous avez été, le plus loin que vous avez été avec votre bateau... c'est jusqu'où ? Il me dit, ben, j'ai fait une traversée transatlantique, La Rochelle jusqu'aux Amériques. Mmh. Mmh. Et je lui dis, mais ça va être formidable. Oh, vous savez, la mer est bien atteinte et bien sale. On croise des flaques de pollution. Donc, il n'était pas vraiment, j'ai compris qu'il voulait me dire qu'il n'était pas vraiment dépaysé quand il est au milieu de l'océan, quand il est sur son port, c'est pas mieux. La mer est bien atteinte. Il a vu les effets de la pollution humaine et industrielle. Des bouteilles de. Voilà, les sacs plastiques, tout ça. Des sacs poubelles, des. Et il voyait les dauphins au milieu de tout ça, enfin, qui nageait un peu plus loin. Ça fait bizarre, mais quand on entend que les poissons avalent les. Ouais. Les tortues de mer aussi, j'ai entendu. C'est ouf. C'est vrai. C'était un bon moment. Alors, ça entraîne un sujet qui est intéressant, ce que tu évoques par rapport à cette expérience. De navigation que tu as eu il y a quelques années, c'est est-ce qu'il y a vraiment une prise de conscience ? Alors effectivement, il y a des études maintenant, on en parle, ça devient médiatisé de plus en plus. Mais pourquoi il n'y a pas plus d'impact sur l'opinion des gens Pourquoi ça ? On a l'impression que ça les concerne pas plus que ça, et que c'est pas prioritaire finalement Regarde ce qui s'est passé politiquement. Trump, je pose la question parce que c'est Trump, un constat. Trump n'en a rien à foutre de. Mais complètement. Du projet écologique. Les Chinois marchent pour le projet écologique, ils s'investissent. Après, je ne sais pas jusqu'à quel niveau et comment, quels sont les moyens, quelles vont être les méthodes. L'Est, ça marche, à l'Ouest, ça ne marche pas. À l'Ouest, c'est le dollar, le pétrodollar qui est favorisé. Trump dit le pétrole qui est au large de la Californie, on va l'exploiter. D'abord le dollar et ensuite l'écologie. Mmh. Donc, elles vont être belles, les plages de la Californie. Mmh. Pascal, peut-être une réaction Oui, je reviens par rapport au plastique. Ils appellent ça le 8e continent, d'ailleurs. Au milieu des mers, il y a un assemblement de plastique. C'est 3 fois grand comme le territoire de la France. Oui. J'ai déjà entendu aussi. Ah ouais. Ça se passe entre la Californie et... Enfin, près de la Californie. Donc, sur l'océan Pacifique ? Entre Hawaï et la Californie, exactement. C'est le plus grand. Mais il y en a sur toutes les mers, mais le plus grand, c'est entre Hawaï et la Californie. On est plus sur l'Atlantique, là. Mais enfin, bon, c'est pareil, ça touche... C'est les courants qui ramènent toute la salle. Avec les courants marins, tous les plastiques se rejoignent et puis s'agglomèrent à un endroit. Et c'est le plus grand, c'est 3 fois grand comme la France. Un agglomérat est absolument énorme. Jean-Baptiste, tu nous as posé une question, s'il y avait une prise de conscience. Oui, là on a fait une petite dérive, de le dire d'ailleurs. Non, mais je réponds, en fait... Mais voilà, j'allais te poser la question. Le bateau, moi j'en ai fait sur l'étang avec du pneumatique, bref. On veut tout savoir, c'est déjà de la navigation en soi. Oui, Il faut bien commencer par une expérience. Avec les rames et tout, c'est bien. Je croyais que tu allais me parler d'une sortie pédalo. Mais pour la pollution, je pense qu'il y a des gens concernés. Hier, j'ai rencontré un monsieur dans un bar qui était révolté. Et j'ai une petite cousine de 3 ans qui a fait un flan à sa maman l'autre jour parce qu'on était passé devant le conteneur à plastique et on n'avait pas vu. Et ma cousine et moi, on discutait. Et la petite, elle a pas piqué une crise, mais elle n'était pas contente parce qu'elle a dit « Ouais, maman, t'as pas pris le temps pour que je jette ma bouteille plastique ?» Il y a des prises de conscience. Mais c'était ce qui m'a touchée aussi chez Secundino. C'est que tu aies dit que tu aies passé un bon moment, malgré tout. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on doit faire ? Profiter. Bah si, mais il faut être conscient pour passer des bons moments et non pas qu'un, on doit faire attention à notre environnement. Mmh. Tout le monde doit en prendre conscience. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment et j'ai eu une info qui m'a fait prendre conscience que les choses ne sont pas ce qu'on croit. On a beau dire la mer est dégueulasse, les gens ne le voient pas et s'en foutent. Ouais. Le tri des déchets, il y a encore beaucoup de déchetteries pour faire de la récupération. Il y a eu une blague, je ne sais pas si c'est une blague ou si c'est une vérité, comme quoi qu'ils avaient découvert un ver qui bouffait le plastique. Ah oui, donc ce serait ce ver-là qui serait intéressant. Attends, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Hein. Je ne sais pas si c'est un canular ou une blague. Enfin bref, un ver qui bouffe le plastique. Attends, on va peut-être redire à Jean-Baptiste, je lui demandais... Oui, parce que j'ai du mal de santé juste deux secondes, voilà. Oui, ouais. Ma question était, donc, parce qu'il nous a touché quand même, c'est Gundino, en disant il y a de la pollution, mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc il ne faut pas s'arrêter à la pollution, il faut passer des bons moments dans la nature et faire attention de ne pas l'abîmer. Oui, mais il faut en être conscient, je veux dire... Comme ça, oui, c'est pollué. Tout, avec les mots, ça n'a pas de poids. Non. Quand la personne le voit, ça a plus d'impact. Bien sûr. C'est vrai. Ça a un impact. T'as le cœur qui bat. Tu sens. Ou subit une pollution, quelle qu'elle soit. On est plus sensibilisé. Je suis sûr que t'as le pouls qui monte. Ah ben, moi, je suis d'accord. Moi, je vais vous dire, je prends. Une émotion qui passe, et qui passe d'être en être, qui sont en train de voir. Comment dire quand le monsieur m'a dit ça, on va dire il y a eu une forme d'empathie qui s'est peut-être créée en moi, qui suis plutôt apathique qu'empathique. Après j'ai entendu le fameux. Alors, je me demande si c'est un canular ou si c'est une vérité, c'est l'histoire qu'on aurait découvert un ver qui mangeait le plastique. Ouais. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce un canular? Est-ce la blague du siècle pour pouvoir polluer encore plus ou pour se permettre encore plus de piétiner la nature? Ou est-ce une vérité, mais qui ne s'applique pas forcément une solution unique. C'est pas un ver, c'est des bactéries en fait qui arrivent à détruire le plastique et à le manger, si tu veux. Non mais c'est intéressant la réflexion de Ségolène. Félicie. Oui, mais je pense que le ver, ça pourrait très très bien si ça peut aller. Comme tu disais, les mots ne sont rien, il faut voir les choses. Et on est choqué par les choses, on va au bord des autoroutes, des centaines de papiers, sur 10 mètres, il y a 4 papiers, quoi. Mais justement, c'est Gaudino, il vient d'apporter une réponse à ma question générale, où je disais en préambule, on a le sentiment, parce que maintenant il y a quand même des preuves, ça s'est médiatisé, il y a des sujets, on est quand même au courant de beaucoup de choses maintenant, avec les moyens actuels de médias. Et pourtant, on a le sentiment que dans l'opinion générale publique, il y a peu de prise de conscience encore dans sa vie quotidienne, parce que ce n'est pas les priorités, parce que les priorités, c'est d'avoir à bouffer dans son frigo, de pouvoir finir la fin du mois, ce qui est vrai aussi. Mais il y a aussi le fait que l'environnement, ce que les gens pour l'instant, mais pas tous, n'arrivent pas à comprendre, c'est le lien que l'environnement peut avoir directement avec sa vie quotidienne et son impact économique aussi, et puis sur la santé et tout ça, et que tout ça c'est lié beaucoup plus qu'on l'imagine. Parce que quand on nous parle de la fonte des glaciers dans le massif du Mont Blanc, par exemple, l'effet de permafrost, on se dit, pour moi c'est loin de moi, la montagne, moi ce qui m'importe c'est que j'ai à bouffer dans mon frigo, que je puisse avoir mes vacances, élever mes enfants convenablement, et tout ça. Mais en même temps, si on commence vraiment à discuter avec des glaciologues, avec des géologues, comme moi je l'ai fait par exemple, on commence à s'apercevoir que ça a des impacts sur le tourisme, que ça a des impacts sur l'oxygène, que ça a des impacts aussi sur la stabilité montagneuse des roches aussi. Donc, de l'alpinisme, parce que l'alpinisme fait vivre aussi beaucoup de gens, entre autres les guides et les grimpeurs. Et que finalement, toutes ces modifications du climat, dues à un réchauffement climatique, dues aussi à des pollutions industrielles, parce que maintenant c'est prouvé, eh bien, ça finit par avoir des effets sur nos vies quotidiennes, qu'on habite à Chamonix, parce que je parlais du massif du Mont-Blanc, ou pas. Eh bien, malheureusement, oui. Et ça, c'est très, très lent à rentrer dans la tête des gens. Quoi. Jean-Baptiste, ça impacte sur les gens et ça impacte pas que dans notre frigo, parce que les glaciers du Mont-Blanc, on les voit pas. Mais quand on voit l'autoroute, les papiers, ça nous choque. Mais ça nous rend mal. Moi, je vois, je déprime quand je passe devant le truc de sable à Vecou. Ils ont tout cassé la montagne et ils ont mis des arbres devant pour pas qu'on voit. Mais et les arbres, c'est important. Pascal. Les arbres, c'est important parce que les arbres, ça permet justement de pas qu'il n'y ait pas de désertification. Ça permet de maintenir l'eau. Ce qui est le plus important, au niveau de tu parles des calottes glaciaires, c'est un exemple que je donnais. Il y en a plein d'autres. Hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la calotte glaciaire, elle est blanche. Quand le soleil il tape sur le blanc, il est renvoyé par le blanc. Si la calotte glaciaire, elle perd sa couleur blanche, ça va faire comme un effet de couche. Le soleil, il va taper sur du foncé et ne pourra plus retraverser l'atmosphère et la chaleur sera bloquée dans l'atmosphère. Mmh. Et donc, réchauffement climatique qui sera de plus en plus rapide. Comme une couche, comme un chauffage qu'on met sur le toit, un chauffage solaire d'eau chaude. Après, moi, je ne parlais pas, c'était pas de la calotte glaciaire que j'évoquais, attention de ne pas faire une confusion, je parlais des glaciers. Bon, je prenais l'exemple du massif du Mont-Blanc, parce qu'il y a des très, très gros glaciers qui sont évidemment surveillés depuis des dizaines d'années. Mais ce qu'il y a, ça entraîne une déstabilisation de la stabilité au départ des roches, c'est-à-dire le permafrost. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe au-delà de 3000 mètres? Les roches sont soudées par le gel, par un gel de profondeur qui ne dépasse pas moins 5. Au plus haut de l'été, et surtout quand arrive l'automne, où il y a la rechute des températures, la roche a emmagasiné les chaleurs d'été. Hein, quand tu es exposé à 3-4 000 mètres d'altitude, le soleil qui frappe sur les parties sud des versants crée donc un emmagasinement de chaleur que les roches absorbent, mais lentement. Et au bout d'un moment, ça finit par, au fur et à mesure, des quelques degrés sur les dizaines d'années d'augmentation, 1 ou 2 degrés, ça finit par rentrer dans des couches supérieures de la roche, au niveau du gel qui finalement fixe les roches, hein, fixe le gneiss ou le granit, puisque dans le massif du Mont-Blanc, c'est ce type de roches qu'il y a, qui sont plus ou moins dures selon les parties du massif du Mont-Blanc. Et ça finit par donc dégeler suffisamment cette soudure naturelle. Et avec l'effet de gravité, il y a des pans entiers de plusieurs milliers de mètres cubes de roches qui s'effondrent d'un coup et qui modifient l'aspect de la montagne et sa stabilité, et c'est dangereux. Bon, alors après, ça entraîne aussi tout un effet secondaire sur l'écosystème, sur les animaux, sur les micro-plantes qui peuvent encore vivre à une certaine altitude. Et moi, j'ai vu des reportages et j'ai été sur place discuter avec des personnes qui vivent en refuge à l'année sur le massif du Mont-Blanc, qui observent ça. Après, il y a aussi l'aspect touristique, effectivement, parce que la mer de glace, quand on la visite maintenant et qu'on la voyait il y a 30 ans en arrière, on n'a plus aujourd'hui que de la moraine à regarder, et le glacier est très lointain et très bas. Donc, il n'y a plus ce magnifique glacier bleu, ce bleu azur qu'il y avait encore il y a 40 ou 50 ans en arrière. Donc, il y a une modification des paysages aussi qui est entraînée. Mais après, la calotte glaciaire, c'est encore autre chose, mais c'est lié aussi. Mais de toute façon, même avec les glaciers, les nappes phréatiques, elles se remplissent par l'eau qui vient des glaciers. S'il n'y a plus de glaciers, il n'y a plus d'eau qui descend de la montagne. Complètement. Donc, on va se retrouver avec une désertification de la même façon. Oui, c'est Gondino. Toujours pour parler écologie, on a les OGM. Le but des OGM, c'est faire des plantes qui sont résistantes aux bactéries, et tout ça. Et on rajoute aujourd'hui, en plus, on continue à rajouter des pesticides, en plus, sur les OGM. Ouais. Et on bouffe vraiment de la merde. Déjà, l'OGM, pour Beauvais, c'était de la merde. Mais avec les pesticides, qu'est-ce que c'est? C'est une surmerde. Et puis avec la reproduction du glyphosate là, l'année dernière, ça n'arrange rien non plus. C'est vraiment... Non, mais c'est une preuve que l'OGM, c'est un échec. Si ils mettent du pesticide, c'est une preuve que l'OGM, c'est un échec. C'est une vérité. Pascal, tu sembles dubitatif. Oui, le problème avec les OGM, c'est qu'on ne sait pas quel, quand on va manger des organismes génétiquement modifiés, ce que ça va, quel, qu'est-ce que ça va agir sur nous? Il n'y en a pas assez de recul. Il est pendant 10 ans. Quand on voit un médicament, avant qu'il soit sur le marché, il y a des années et des années de recherche et d'essais. Donc les OGM, on mange de la nourriture avec des organismes qui sont génétiquement modifiés. On ne sait pas comment ça va agir sur nous et si ça va créer des maladies en nous en plus. Enfin, ils disent qu'ils l'ont étudié pendant 10 ans, mais on va dire peut-être officiellement pendant 5 ans. Disons qu'il y a deux fois deux mesures. Je vois au niveau des coraux. Les coraux, ils vivent dans une mer à une certaine température. Aujourd'hui, la mer est en train d'augmenter de température. Les coraux sont en train de mourir. Donc aujourd'hui, on est en train de déséquilibrer, de chercher les coraux qui survivent justement à cet excès de température. Il y a un déséquilibre. Tout est déséquilibré au niveau de l'écosystème aquatique. Donc ils replantent les coraux qui supportent plus cet excès de température. Mais c'est quelque part, c'est comme un organisme génétiquement modifié, puisqu'on, quand on, c'est comme les chiens. On a fait différents chiens en choisissant tel chien ou tel chien, donc c'est pareil. Félicie, une dernière réaction, et après je continuerai mon tour de table. Moi je me dis, la pollution, ça s'impacte directement sur moi, parce que ça me déprime. Quand je vois des entreprises d'extraction qui décalotent une montagne, un petit mont, je ne peux pas voir le kergué. Je vois la nature, j'ai le cœur gai, mais là, Tu parles des carrières. Je pars de carrière, oui. Mais c'est comme la déforestation, c'est le même problème, voilà, hein, avec l'Amazon. Et on voit à la télé tous ces arbres qui manquent et on est déprimé. Quand j'étais petite, on mangeait dehors les pique-niques, il y avait des abeilles pour venir nous ennuyer. Bon, ça ennuyait, mais c'était rigolo. Ça faisait partie de la nature. Et maintenant, moi, je trouve que la pollution, elle va nous tomber dessus, mais pas forcément physiquement. Psychiquement aussi. Ouais. Moi, après, on parle des déforestations. Là, on évoque les déforestations, les carrières, donc l'exploitation de la roche, du marbre, tout ça. Enfin bon, ça a toujours été, de toute façon. Ce qu'il faut, c'est réguler. C'est mettre peut-être plus de contraintes dans l'exploitation. C'est-à-dire que, bon, fabriquer des meubles, utiliser du bois pour le papier, le recyclage, maintenant, effectivement, diminue aussi peut-être cette possibilité. Mais de toute façon, la roche, il y en a suffisamment quand même sur Terre pour pouvoir. Les carrières, ça représente très peu finalement de prélèvements, que ce soit de marbre en Italie ou du prélèvement de granit, puisqu'on est dans une région où ici il y a beaucoup de graniterie. Mais ça a toujours été ça. Et puis ça fait vivre aussi économiquement du monde aussi. Après, tout dépend comment on exploite et comment on utilise et quelle quantité on prélève. C'est comme la pêche en mer. Il faut régulariser tout ça, peut-être plus. Aujourd'hui, la déforestation, effectivement, l'Amazone, c'est un grand fléau puisque c'est le poumon de la terre. Mais après, on a besoin d'arbres, ça repousse, on replante derrière. Tu vois, on peut faire quelque chose avec un système de cycle où on recycle, où on replante. C'est quand même de plus en plus le cas. Mais il y a quand même des abus, effectivement. Quand j'étais enfant, j'avais le plaisir de voir des hérissons, des vers de terre, des oiseaux. Mais il y en a encore, il ne faut pas non plus tout ternir et tout catastropher, Félicie. C'est ce que je disais parce que il y en a encore, il y a une diminution, mais il y en a encore. C'est comme Disney disait, il y a de la pollution, mais je peux quand même passer un bon moment. Il faut en profiter. Moi, je vais. Après un pique-nique avec des abeilles, c'est pas forcément marrant. C'était une petite note d'humour. Ou alors la guêpe qui revient après qu'on chasse une guêpe, on a une autre qui arrive. C'est pas toujours marrant quand même. Non, mais je rigole, Félicie. Pascal. Oui, on ne peut pas dire qu'en France, il y a de la déforestation, puisqu'en France, on replante. C'est parfaitement. Par contre, oui, en Amazonie, ça pose des problèmes, parce qu'ils déforestent, ils font de la déforestation, mais là, c'est des centaines d'hectares. Des arbres qui sont beaucoup plus loin à repousser aussi. Parce qu'ils ont besoin, justement, de terres cultivables. Voilà. Donc là, ça pose un problème. Et plus on détruit de forêts, et plus on détruit les poumons de la terre. Oui, c'est ce que j'évoquais. Mais tu parlais tout à l'heure des racines, des arbres. Il y a une disparition des haies depuis quelques dizaines d'années aussi. Les haies avaient une utilité absolument primordiale sur nos... ne serait-ce qu'en France, sur nos paysages français. Et c'est vrai que des haies, c'est quelque chose qui pourrait être fait quand même assez rapidement. Ouais. De recréer des haies, de replanter des haies. Pourquoi c'est pas... je comprends pas ça. Ça, c'est quelque chose... Il y a des choses qu'on pourrait déjà faire à échelle humaine qui demandent pas non plus des coûts exorbitants et qui ont disparu et qu'on ne fait pas. Donc ça, la question est posée au ministre de l'Environnement et il n'est pas là pour me répondre. Mais ici... Un dernier tour de réaction et je voudrais continuer mon tour de table. Il y a quelques temps, il y avait encore des ruches ici, tout près, là, il y avait, quand tu descendais, il y avait des ruchers, ouais. Il y avait des ruches, une dizaine ou cinq ou six, ruches, et il y avait pas mal d'abeilles. On passe maintenant, on ramasse les cadavres de canettes, et puis on va... Moi je connais des amis apiculteurs qui font encore du miel et tout ça, il y a quand même des ruchers encore, mais effectivement... Il y avait du mal aussi, hein. Ouais. D'abord, il n'y a plus de ruches déjà parce que c'est plus la saison. Et les ruches, elles ne restent jamais. Ça va commencer, hein. Les ruches ne restent jamais à la même place. Ouais. Les ruches, elles voyagent. C'est-à-dire que l'apiculteur, il déplace ses ruches constamment. Ouais, complètement. Hein. Elles sont perturbées par le Leclerc. Oui, mais tu parles du coin ici. Oui, oui. Ouais. Il n'y a pas que des ruches ici autour de Remiremont. Mais oui, mais il y a beaucoup d'endroits qui se ressemblent. L'heure avance, donc on va finir le tour de table. Je voulais demander à Dominique aussi, est-ce qu'elle avait un tempérament de navigatrice ? Est-ce qu'elle avait déjà une expérience de, j'ai fait de marin amateur ? Oui, j'ai fait de la voile. Amatrice. Sur un petit... Un optimiste sur un lac près de Grenoble. Et c'est génial. J'étais douée pour ça, mais j'ai fait une fois ou deux. Encadrée quand même par une équipe. Oui, par, oui. C'était lors d'un cours, d'une sortie pleine. Oui. Et ça t'a plu ? Oui, beaucoup. T'avais pas eu mal de mer ? Le contact avec l'air et l'eau. Ouais. Chercher le vent pour. Et toi, c'était avec une voile. Oui. C'était pas comme Ségolino avec un moteur. Puis toi, Sinon, bateau aux mouches, ferryboat. Oui, bon, alors après ça, c'est pas vraiment ça que je demandais. Mais bon, ça a été une expérience nautique aussi. J'ai fait du tourisme. Ouais. Donc, t'aimes bien quand même prendre la mer. C'est quelque chose qui te plaît. J'aime le bruit de la mer qui revient. Être dessus. Oui. D'accord. Pas forcément être au bord du rivage et avoir l'ambiance juste marine, quoi. Et toi, Pascal? Moi aussi, j'ai fait l'école de voile à la Madine, justement. J'ai commencé avec l'optimiste. Après, j'ai fait du 420, donc le dériveur. Après, j'ai fait du catamaran. Voilà. Et aujourd'hui, je peux toucher un peu tous les bateaux. Ah ben, c'est génial. Et t'en fais toujours? Ça fait des années que j'ai arrêté. On n'est pas dans une région où il y a des gros lacs. Je faisais encore de la voile. J'avais entre 20 et 30 ans. Après, je suis parti. Donc, j'avais plus de plan d'eau, justement, assez grand pour faire de la voile. Alors, justement, un petit interlude musical que j'ai concocté il y a quelques minutes avec l'ami Pascal, d'une émission qui passait il y a 35-40 ans avec Alain Bombard. Alain Bombard qui était, je crois, un biologiste, biochimiste, enfin, qui a plusieurs casquettes à son arc et qui avait fait des traversées. Qui est parti sur la mer sans voilà, ouais, qui est décédé il y a quelques années, qui est un personnage qui m'a marqué dans l'enfance. Moi aussi. Et toujours grâce aux parents. Et il avait fait une émission. Pour la télévision, je ne sais plus pour quelle chaîne à l'époque, c'était encore, il y avait les trois chaînes, qui s'appelait Au-delà de l'horizon. Et comme pause musicale, on a choisi de vous passer le générique, la musique du générique de cette émission, de cette exploration. Voilà, c'est un court interlude musical, c'était la musique du générique de cette émission. Alors, le principe de l'émission, je crois que ça durait une vingtaine de minutes, le format, et c'était une émission qui était faite avec très peu de moyens, où Alain Bombard était dans une narration, le voyait parler devant une caméra, et il parlait d'un sujet de conquête d'explorateurs, toujours lié évidemment à l'élément marin, entre autres. Voilà, très jolie émission qui a disparu évidemment des écrans depuis c'était très longtemps. Avant Thalassa. Oui, largement. Hein. C'était dans les années 77-78 par là. Donc c'était Montalassa a quand même duré très longtemps. C'était pas tout à fait le même type d'émission, le même format d'émission. En quelle année à travers l'Atlantique qu'à un moment ? Je sais plus les dates. Faudrait peut-être demander à Pascal. Pourrait peut-être nous éclairer là-dessus. En tout cas, effectivement, moi je tenais à ce qu'on passe cette musique un peu nostalgique de jolies émissions qui ont disparu des écrans depuis bien longtemps et que plus personne ne connaît, qui sont dans les annales de l'histoire de l'INA. Mais quand on les... Je crois qu'on peut en trouver sur YouTube quelques extraits. Je ne pense pas toute la série. Je ne pense pas que c'était reproduit en DVD au-delà d'Horizon. Mais c'était vraiment intéressant, passionnant. Moi, j'ai des souvenirs d'enfant avec mon père. On regardait ça, on apprenait plein de choses. Et il y avait des photos. C'était fait vraiment avec des petits moyens. Alors, des fois, il était dans un décor comme une tente. Tu vois, une tente sur une plage. Des fois, il était en studio... Je sais pas combien de temps a duré cette émission, mais je sais que c'était vers la fin des années 70. Oui, Pascal ? Oui, alors j'ai trouvé l'expédition du Kon-Tiki. L'expédition du Kon-Tiki a été menée par Thor Heyerdahl, anthropologue, archéologue et navigateur norvégien à bord du Kon-Tiki en 1947. Le livre paru en 1948 dans sa version originale norvégienne connaîtra un succès mondial avec de nombreuses traductions, notamment en anglais en 1950 et en français en 1951. Voilà. Donc on a la précision. Voilà. Alors on finit cette belle aventure. Donc tu vois, Dominique, ton livre nous a inspiré pendant une heure voyager. D'émission. C'était passionnant. On a fait un très beau voyage. Il est temps pour nous, dans Boomerang, dans cette dernière demi-heure d'émission, de réatterrir et de repartir aussitôt avec l'ami Félicie sur une plage musicale concernant le rock. Allez, ça va nous inspirer aussi. Alors, tu veux nous parler... Alors, c'est un projet de quadrilogie. Tu vas aborder donc l'évocation d'un groupe concernant le rock alternatif par émission de Boomerang. Donc là, on part sur une première découverte de groupe qui va être Dinosaur Junior. Alors moi, je ne connaissais pas ce groupe-là. Je crois autour de cette table, vous connaissiez ? De nom. Hein. Non. Voilà. C'est un groupe américain. On t'écoute. Alors, Dinosaur Junior est un groupe de rock indépendant. Oui, parce que je voulais vous parler de la musique rock des années 90, là où il y a eu des groupes qui sont montés et qui ont commencé à faire du rock. C'était chouette parce que c'est pas violent, mais c'était mélodieux aussi. Donc tu vas nous évoquer sur une quadrilogie, à travers quatre groupes, dont celui-là aujourd'hui que tu nous dévoiles, l'histoire un peu du rock alternatif indépendant. Oui, voilà, parce que celui des 90, il est marqué par une caractéristique qui fait qu'il y a du rythme, beaucoup de rythme, mais qu'il y a aussi beaucoup de mélodie. Mmh. Ben alors moi j'aimerais bien que tu me fasses découvrir ce groupe-là, que tu m'en parles, comment il est né, qu'est-ce qu'ils font comme musique, quelles sont leurs inspirations de texte, vaste programme. Alors donc c'est un groupe de rock indépendant américain originaire du Massachusetts aux États-Unis qui ont fait de cette musique rock des États-Unis des 90. Leur origine remonte à 1984, donc c'est longtemps quand même avant. Mais selon moi, leur parcours se mesure à celui des Pixies. Je vous en reparlerai des Pixies, ce sera une autre partie de la quadrilogie qui ont perduré. Donc il y a 6 membres dans le genre rock alternatif, rock indépendant et noise rock. Noise rock, c'est bruit. Mais j'aime bien les groupes-là des années 90 parce qu'ils ne font pas que du bruit, comme Suicidal Tendencies ou d'autres groupes qui sont complètement... Comme des moteurs machine-aid, etc. Enfin, c'est pas mon truc parce que dans ces quatre dont je vais parler, il y a de l'émotion. Ils sont combien de membres dans ce groupe-là, Dinosaur Junior ? 6. 6. Ouais, il y a les anciens et des nouveaux, j'y reviendrai. Donc voilà, donc Nirvana a avoué s'être inspiré de Dinosaur Junior. Alors il y a plusieurs chansons que j'aime beaucoup. Il y a Frixen, donc on écoutera, non, on l'écoutera pas. Il y a Watch the Corner, celle-là que tu as choisie pour la dernière pause musicale. Celle qu'on écoutera. Mmh. Et il y a Feel the Pain. Donc à écouter sans vidéo parce que ça n'apporte rien. Ils se servent de l'harmonie et de la disharmonie, de mélodies entrecoupées de rythmes et vice-versa. On repère encore couplets et refrains. Et ça, c'est encore une base. Il n'y a pas que Nirvana dans les années 90. D'ailleurs, Nirvana avouera, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'être inspiré de Dinosaur Junior. Pour faire leur musique. Donc la chanson Frixen est bien dynamique, Feel the Pain est plus mélodique et plus lent, Watch the Corner est plus cool aussi, un rock qui a la pêche et qui reste de la musique quand même. Ils sont puissants, surtout sur des riffs de guitare qui nous emmènent. Alors la chanson Frixen, elle date de 88, donc ça c'est à leur début, parce qu'ils ont commencé en 84. Et Feel the Pain, c'est entre les deux. Et Watch the Corner, elle date de 2012. Donc, il y a quand même tout un parcours de 88 à 2012. Leur 11e album, le dernier, Give Gimples of Water Not, est publié en août 2016. Donc, ils sont encore là en 2016. 17, 18, 19, ça fait 3 ans. Donc, suite à cet album, il s'ensuit une tournée mondiale de 80 dates, partagée avec Jane's Addiction et Living Color, deux autres groupes. Et Jim, alors les membres sont Jim Massis, qui est au guitariste et au chant, Lou Barlow à la basse et au chant, Murph à la batterie. Donc, ça, c'est les débuts. Hein. Ils avaient des débuts punk hardcore, en fait, tout au début. Avant de se lancer dans un groupe, ils avaient une référence un peu punk. Les plus anciens sont Mike Johnson, qui est à la basse, et George Bertz, aux batteries de concert. Alors, ils s'appellent à leur début Dinosaur, tout court, en 85, mais ils doivent changer leur nom parce qu'ils risquent des poursuites. Parce qu'il y a un autre groupe qui s'appelle The Dinosaurs. Ils l'accusent de plagiat, en fait. Donc, ils rajoutent Junior devant. D'ailleurs, Junior, ce n'est pas écrit en grand, c'est J-R. Voilà. Donc, ce qui me plaît, c'est que c'est de la musique des 90. C'est très beau, c'est mélodieux. Leur immense carrière tient aussi à tant de légendes que de rages qu'ils ont traversées. C'est un univers plus fidèle à lui-même que les Pixies, qui se sont éclectisés et qui ont osé diversifier, désopiler. En fait, il y a des richesses mélodiques et surréalistes qu'il y a dans les Pixies, qu'il n'y a pas forcément dans Dinosaur Junior. Mais Dinosaur Junior reste bien pêchu et ils ont la caractéristique de tous les groupes dont je vous présenterai, c'est qu'ils ont leur voix, ils ont une voix. Que ce soit Pearl Jam, les Pixies, Breeders... Ils ont une voix qu'on reconnaît. Et mais c'est-à-dire, voilà. Ça s'appelle une voix qu'on reconnaît parce que si on écoute Genesis, chacun, Depeche Mode, on reconnaît les voix aussi. Oui, c'est pas forcément une particularité à ce groupe Dinosaur Junior. Non, ça. Mais dans ce rock alternatif, c'est quand même des voix éraillées. Oui, mais il y en a plein qui ont des voix éraillées dans le rock, même dans le rock alternatif. Il y a eu Amy Winehouse, mais dans. Chez les hommes. Hein. Oui. Sauf que Winehouse, on ne peut pas dire que c'était du rock. Hein. Non, mais je parle pas de style. Je veux dire. Après, c'est pas une voix éraillée. Dans tous les styles, il y a des voix que l'on reconnaît. Kurt Cobain, quand il chante, on dit c'est Kurt Cobain. Ouais, ou Sting. Je crois que c'est automatique, c'est obligatoire. Si tu veux qu'un chanteur, on le reconnaît. Il faut toujours qu'il y ait une certaine reconnaissance. Une image. Effectivement, mais Dinosaur Junior est si peu connu par rapport aux autres, peut-être. Pourtant, il a fait le top numéro 1. Ils ont vendu 300 000 exemplaires d'un disque. Enfin, ils sont très peu connus. C'est pour ça. Ils sont peu connus. Il y a des milliers de groupes, en fait, qui ont émergé et puis qui ont disparu aussitôt. Et Mais ils ont quand même perduré, hein, parce que de 86 à 2016... Oui, complètement, mais ils n'ont pas forcément été médiatisés. C'est sur ça, la scène, ils n'ont pas une renommée mondiale. Voilà. Non, ils ont fait quand même 80 concerts sur un album. Mais c'est vrai que les Pixies, ça a fait le contraire. Les Pixies sont plus connus quand même. Ils sont plus connus dans l'Europe, mais dans leur pays, ils ont eu moins d'impact. Dans leur pays d'origine. Voilà. Ouais. Aux États-Unis, Dinosaur Junior est plus connu que les Pixies. Et chez nous, c'est le contraire. On connaît moins. Alors, je vous invite à découvrir Dinosaur Junior sur YouTube. Vous pouvez écouter des chansons, aller aussi voir dans la biographie, etc. Vous trouverez aussi des photos si ça vous intéresse. Mais ce sont des chansons qu'on peut écouter aussi sans vidéo. Et aujourd'hui, ils en sont où en 2018-2019 surtout, ils sont en tournée, ils existent encore vraiment. Je sais pas. Ils font des concerts un petit peu partout. Pour être honnête avec vous, je sais pas vraiment. Le dernier album, il date de 2016. Après, il y a eu une tournée mondiale. Peut-être qu'ils vont en préparer un ou pas. Je ne sais pas. Eh bien, écoutez, je me renseignerai et je vous dirai ça la prochaine fois. D'accord, ok. En tout cas, toi, tu as découvert ce groupe il y a combien de temps, tu dis ? Dans les années 93. Donc, tu avais 20 ans, quoi. Oui, en gros, hein. Oui, oui. Ouais, donc et, ça... Et en plus, ça faisait, je croyais que c'était... Et tu les as découvert comment? Parce qu'en 93, il n'y avait pas trop Internet et tout ça. Donc, non, par une radio. Par quel biais? Par une radio? Oui. Passionné de rock, donc ouais. Du coup... Ouais, il voilà. Y avait des émissions rock et ils ont dit le nom de qui RTL. Chantait. Non, je ne dirais pas parce qu'on n'a pas le droit. Ah, oui. Et parce que tu étais sensible à ce courant rock, à ce genre de rock? Ouais, ça me plaisait. À l'époque, quand tu avais une vingtaine d'années? Donc, parce du que coup, j'étais bien pêchue, bien dynamique... Mais toi, tu les as jamais rencontrés ou écoutés en concert? Enfin, rencontrés en concert. Non, non. Rien mais ça me convenait parce que c'était bien dynamique, péchu, mais ça n'abandonnait pas la mélodie. Pour moi, la mélodie dans une musique, c'est quand même important. Mmh. Et, ça remplace les paroles quand tu ne les comprends pas. Tu dis, c'est qu'on est... Oui, oui. C'est l'espace imaginaire de la musique. Oui, les quand paroles, tu ne comprends pas, tu dis, je m'en fous, la musique, elle a l'air bien comme ça. Tu diras même, le mec qui chante, vu que tu ne comprends pas l'anglais, tu diras comme ça, il fait partie des instruments. Ouais. Bah, je connais des groupes comme Cure, justement, si tu traduis les paroles, vous ne pouvez pas les connaître. Hein. Oui, les Pixies aussi, il paraît qu'ils parlent de... Enfin, j'en reparlerai, mais ils parlent d'inceste, de choses graves, quoi. Mais leur musique reste toujours belle à écouter, je ne sais pas pourquoi... C'est un paradoxe. C'est un paradoxe entre le sujet qu'ils abordent, les Pixies, des sujets graves comme l'inceste, machin. Le sujet et la mélodie, en fait, la mélodie est joyeuse, entraînante, mais les sujets sont graves. Et moi, ce que j'aimais dans cette musique des 90, c'est qu'elles emmenaient... C'était entraînant comme musique. C'était une musique qui était entraînante et qui restait douce à un moment. Il y a les couplets qui sont séparés des refrains. Les refrains qui sont des fois bien péchus. Mais les couplets... C'est un peu le propre du rock alternatif, en même temps, de la structure même de ce type de rock. Le propre de la musique rock, c'est d'avoir des thèmes qui sont rebelles, justement. Oui, mais là, on parle du rock alternatif, d'un genre de rock. Des rock, il y en a plusieurs sortes. Comment ? Style Green Day ? Non, c'est vraiment une tendance... ils ont une descendance, tous ces groupes, c'est Radiohead et Muse. Radiohead et Muse se sont inspirés d'eux. Mais c'est vraiment... refrain, couplet, et dans les refrains, ils donnent tout, et dans les couplets... Oui, mais ça, c'est le propre du rock alternatif. Ça, c'est voilà. Alternatif, on alterne entre douceur et grande violence. Exactement. Quoi. Après, il y a le rock progressif, où ça commence doucement, et puis au fur et à mesure de la chanson, ça devient de plus en plus, ça explose comme un feu d'artifice, et alors là, après, on va même sur du hard rock. Mais c'est vrai que c'est le propre de cette structure de musique. Mais Segonino, il soulevait un truc intéressant à l'instant là qui me fait percuter. C'est que finalement, dans cette musique qui est le rock, on n'est pas forcément obligé de comprendre l'anglais ou l'américain pour avoir des vibrations. Parce que le rock, la musique en elle-même, la rythmique en elle-même, est une expression en soi qui peut toucher un maximum de monde et, par sa diversité en fait. Après, effectivement, si on comprend les paroles, des fois, c'est pas forcément... Pour moi, qui écoute beaucoup de rock, pas perturbant, mais moi, en ce qui me concerne, ça m'ajoute pas forcément plus à la chanson. Parce que moi, ce qui me plaît dans le rock, avant tout, c'est la rythmique et la mélodie. Puisque j'aime la batterie, j'aime les percussions, qui fait partie intégrante du rock. Voilà, moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, évidemment, la basse, la guitare, tout ça. Voilà, acoustique, machin. Mais c'est vrai que... les paroles, pour moi, des fois, la plupart du temps, sont secondaires. Quoi. Même s'il y a des textes engagés, effectivement, qu'il y a des textes rebelles, comme le disait Pascal. Moi, c'est vrai, ce que j'aime dans le rock, c'est plus le côté musical que le côté parole. C'est ce que je voulais dire. Tu as résumé, Jean-Baptiste, tout ce que j'arrivais pas à dire, mais c'est ça. À moins que tu achètes des revues qui te donnent un aspect de leur texte. Ouais, complètement. Ouais, puis sur YouTube, maintenant, sur Internet, avec l'outil Internet, maintenant, tu as les traductions de toutes les chansons de chaque groupe. Et des fois, c'est un peu décevant hein, quand tu vois les textes. Hein, tu te dis, ah bon, ils racontent ça. La chanson, elle est super géniale. Tu vibres vraiment à la rythmique du morceau de rock. Et puis, quand tu lis les paroles, tu te dis, ouais, c'est un peu en décalage. En fait, ils racontent ça. Je sors un peu du sujet de la musique, mais c'est complémentaire. C'est un peu comme ces booty shorts, là, tu vois. Le beau t-shirt bleu, vachement bien, une belle couleur, tu vois. Et puis écrit dessus Michigan. Et puis, t'es un partisan t'es contre la peine de mort. Tu vois tous ces t-shirts Michigan, Massachusetts, différentes couleurs, différentes présentations, des symboles. Et j'ai discuté avec une vendeuse de magasin, c'était à Nancy, et je lui dis. j'achèterai jamais ces t-shirts-là, j'ai fait. Peut-être celui d'Obama. Elle me dit parce qu'ils sont tous pour la peine de mort. Ben ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai, mais après, tout dépend ce que tu. Tout dépend ce que. Mais ton sujet n'est pas si éloigné, finalement, entre les paroles et la musique de rock. Il cherche à te séduire vestimentairement pour te faire adhérer. Oh, je sais pas si ça va aussi loin parce que le Michigan c'est aussi c'est de séduire, hein. Une histoire de séduction. Oui, mais ça peut être aussi la partie géographique du lac Chicago, le lac Michigan, le lac intérieur immense, voilà. Oui, effectivement, si toi t'associes ça après à l'État en lui-même, là je suis d'accord avec des gens. Ouais. Des gens qui ne sont pas corrects. Mais c'est vrai que si tu trimbales ça sur le torse, c'est vrai qu'il peut y avoir, quand tu vas croiser des gens qui disent « Tiens, celui-là, il cautionne la peine de mort, puisqu'il cautionne un État où il y a encore la peine de mort et tout ça. » Après, on peut voir le Michigan comme un lieu géographique aussi, avec Chicago, tout ça, le côté États-Unis. Tu vois, je veux dire, c'est comme dans le désert du Nevada, c'est comme... moi, j'aime bien Vegas, par exemple, j'aime bien le lieu géographiquement. Mais je cautionne pas forcément le monde de pognon qui est généré à Vegas. Ça me parle pas forcément. Par contre, j'aime bien l'endroit. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de découvrir en voyageant. Donc tu vois, tout dépend comment on pose sa perspective sur un nom ou sur un lieu ou sur. L'Amérique qui arrive et qui essaie de percer des symboles, des t-shirts. C'est vrai qu'on en voit plein fleurir au printemps dans les magasins de vêtements avec des trucs un peu à l'américaine. Beaucoup, puis des beaux, hein, mais je n'ai pas acheté parce que. Mais comme tu avais les sacs d'école US quand on était petit, si, on avait les sacs en toile armés avec écrit US dessus. C'était aussi, comme tu dis, très ciblé aussi. Mais on en avait tous. C'était ça le cartable classique noir en cuir. C'est militer en quelque sorte. C'est presque militer ou donner un goût militant. Pour le drapeau à étoiles et à... Ouais, bon, t'as des sacs Betty Boop aussi, dans un autre genre. Ouais. Ah, c'est Kundino, tu voulais dire qu'on te proposait d'acheter un t-shirt avec écrit Michigan, et t'as pas voulu le porter parce que c'était un état où il y a la peine de mort. Ça y est, tu percutes. Oui, j'arrive 5 minutes après, tu percutes. Ils étaient dans un magasin pendu sur des cintres. Oui. C'est un choix. Ouais, j'en ai déjà vu comme ça. Il y avait plusieurs états. Des beaux trucs bien présentés. Le symbole était bien présenté. Belle couleur. De la bonne matière. Et pas cher. Mais alors, je me dis, ça me fait chier quand même de faire de la pub pour un état comme ça. Ah, d'accord. Ça cache un militantisme pour lequel je ne suis pas trop d'accord. Mmh. Alors, l'heure tournant, on va faire la dernière pause musicale. On va s'écouter Watch the Corner de Dinosaur Junior par rapport en référence au groupe que tu nous évoques dans ce début de quadrilogie. À tout de suite. Time, there's no forgiveness. means no long ago. There's never not a time not to know. Camera, but you'll be there. Disappear, it's never fair. It's like a stare when I call to tell you no. Every action goes slow. Can I whisper all alone? Can I find me far from home? There's a time to make you move. All at once, a time to flee. Watch the Corner du groupe Dinosaur Junior, évoqué par l'ami Félicie dans son départ de Quadrilogie, donc, où tu nous racontes l'histoire du rock alternatif à travers ces quatre groupes. C'est un groupe que tu nous expliquais que tu avais découvert il y a 25 ans environ, dans les années, début des années 90. Ah, j'étais folle hein, de ce groupe. Voilà. Et donc, en tout cas, c'est sympa de nous faire partager à l'antenne et surtout à nos auditeurs et auditrices. J'essaie de le faire partager, je ne trouve pas forcément les bons mots, mais... En tout cas, c'est passé sur les ondes et peut-être que des gens en connaissent autour et c'est sympa. Alors, on a peut-être quelques minutes encore, Félicie, pour évoquer, mais rapidement, hein, sans s'attarder dans les films, la programmation au cinéma Le France. D'accord. Et puis nous rappeler un rendez-vous qui aura lieu du 17 au 19 mars au Ciné Le France avec des projections à 4 euros. Voilà, c'est ça, voilà. Du 17 Alors, au 19. On t'écoute, on rappelle tout ça. Tu l'as dit, du 17 au 19. Bah, tu m'avais donné les dates du 17 au 19 mars. Voilà. Moi, je n'ai pas vérifié après, je te fais confiance. C'est ça. Et c'est quoi que comme film? Alors, les sorties de films. Alors, en fait, celui qui accueille au cinéma, il ne m'a pas dit quel film il y aurait le 17 au 19. Mais là, apparemment, du 6 mars au 2 avril... donc ça commence bientôt, on est le 6 aujourd'hui. Oh non, on est plus que ça. Hein. On est le... Je sais pas. Bon, du 6 mars... Si, le 6, oui, oui. Le 6, aujourd'hui. Oui. Ça passe tellement vite. Ouais. Donc du 6 mars au 2 avril, ça fait quasiment un mois, il y a un programme d'arrêt-essai qui va sortir de l'ordinaire. Une association cinéphile, Cinémarcade, se propose de promouvoir le cinéma à réessai en étroite collaboration avec le cinéma Le France. Alors, je passe tout de suite au film, hein, je vous épargne les détails. Alors, tu nous donnes le titre du film, le genre. Voilà. Alors, il y a L'Ordre des médecins, c'est un drame de David Roux avec Jérémy Régnier, Marthe Keller, Zita Androth. Bon, c'est l'histoire d'un médecin, apparemment. Il côtoie la maladie, la mort, tous les jours dans son service. Et il va subir en fait une brouille entre la frontière de l'intime et du professionnel. Voilà, en gros. Sinon, il y a La dernière folie de Claire Darling. Alors, on parle beaucoup à la télé dans les bandes annonces. Catherine Deneuve. Avec Catherine Deneuve. Karamastroyani. Karamastroyani. C'est un film quand même de, on va dire qui, Julie Bertuccelli. Donc, c'était dans un petit village de l'Oise, le premier jour de l'été. Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour. Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes de Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l'écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille qu'elle n'a pas vue depuis 20 ans. Je crois que ça a l'air d'un chouette film quand même. Ouais, ouais. Elle a les cheveux blancs dans ce film-là, Catherine Deneuve. Oui, mais bon, ouais. Un blanc quand même travaillé. Oui. Hein, ça ne fait, ouais. Fait pas mamie. Quoi. Oui, tu crois que c'est une teinture. Ben non, elle est toujours blonde, décolorée. Oui, oui. Non. Alors, La Favorite, qui a reçu 10 nominations aux Oscars 2018, dont le meilleur film. Mm-hmm. C'est du lourd. C'est un drame historique de Yorgos Lanthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz. C'est dans le début 18e, l'Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d'ananas. Là, d'ailleurs, ça me fait penser au canard de ton livre, Dominique de Revient, que tu nous as présenté. Tu nous en reparleras, j'espère. Allez, ouais. On enchaîne, Félicie. Oui, oui. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu'une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu'elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir une opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre absorbent Sarah, Abigail, quant à elle, parvient à gagner la confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Donc là, on est dans un drame historique Oscar d'innovation, dont le meilleur film. Grâce à Dieu, alors c'est un drame de François Ozon, avec Melville Poupeau, Denis Ménochet, Swann Harlow. C'est un film France-Belgique. Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui au scout officie toujours auprès d'enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour libérer leur parole, entre guillemets, sur ce qu'ils ont subi. Mais sujet d'actualité, ouais, qui est pas mal évoqué en ce moment, la pédophilie, oui, au sein de l'Église. Ouais. Ouais. Hier soir, il y avait un documentaire sur les religieuses abusées. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne, et oui, malheureusement. Prix du jury, Festival de Berlin 2019. Ok, quelques films encore, ou ça sera tout, Félicie, parce qu'il nous reste une minute. Oui, My Beautiful Boy, pardon. De Félix von Groningen, qui est connu, avec Steve Carell, Timothée Chalamet. C'est une histoire entre un... Ah voilà, ça je sais par cœur. En gros, c'est un homme brillant. C'est un jeune homme brillant. Son père est vif. Il doit entrer à l'école et tout. Et en fait, son père apprend qu'il se drogue. Mais l'héroïne. Okay. Donc ça va être... un focus intime sur la relation d'un père à son fils. Il y a Marie Stuart, reine d'Écosse, dont on connaît la grande... Oui, donc voilà. C'est un drame historique. Donc son destin tumultueux, charismatique, et oui, etc. Bah, les gens connaissent. Hein, oui. Voilà. Et Arctic, c'est un thriller aventure, qui a l'air chouette aussi, de Joe Pena, qui est hors compétition, mais sélection officielle Festival de Cannes. En Arctic, la température peut descendre jusque moins 70. Dans ce désert hostile glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. D'accord. Voilà. Ok. Et puis de toute façon, vous retrouvez toutes les informations sur le site du cinéma Le France. Voilà. Félicie. Exactement. Merci à toi. Eh bien, il est temps de conclure ce boomerang. On se retrouve dans 15 jours. Vous pourrez réécouter cette émission mardi matin à partir de 9h et en rediffusion sur le site dans la rubrique émission rediffusion et rubrique bien sûr boomerang, 80 minutes pour boomerang. Il est temps de refermer cette page. On se retrouve dans 15 jours, même lieu, même heure, avec tous les amis. Entre-temps, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.